Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Les Marquis de Jonquière devront faire une série de plus afin d'espérer atteindre la demi-finale. Hier, ils ont perdu la série contre Sorel par la marque de 4-0. Donc, les Marquis qui ont perdu en 5 matchs. Donc, ils vont débuter cette série 2-3 contre Rivière-du-Loup afin de déterminer quelle équipe, évidemment, sera la quatrième équipe pour la demi-finale. Parlons de la série entre les Saguenay de Chicoutimi et le Scénic de Rimouski qui débute ce soir à Rimouski. Hier, on a parlé avec Serge Beausoleil, l'instructeur de le Scénic de Rimouski. Et dans un premier temps, il mentionne évidemment que les joueurs ont hâte de débuter cette série. Ben écoute, la saison est longue. Après 68 matchs, tout le monde a hâte aux séries éliminatoires. On affronte un adversaire qui nous a battu 4 games sur 6. Il faut bien se préparer, mais les gars ont hâte que la rondelle tombe sur la glace, bien évident. OK. Serge Beausoleil mentionne que c'est pas évident de jouer à Chicoutimi en raison, évidemment, de la glace olympique. Ben, de mémoire, c'est la seule glace olympique qu'il y a dans la Ligue canadienne de hockey. Ouais. Donc, c'est assez particulier d'aller jouer à Chicoutimi. Les partisans sont très fervents aussi. Et puis, non, c'est sûr que on a un léger avantage, mais c'est 7 points qui nous confèrent l'avantage de la glace, mais il est important. Parlons maintenant du club de golf de Saint-Prime et la nomination de Junior Gineau à titre de directeur général. En entrevue sur les ondes de danadiosport.com, le président du club, Yannick Baillargeon, s'est dit très heureux d'avoir pu obtenir un homme aussi qualifié que Junior Gineau à titre de directeur général. M. Gineau est un homme très qualifié. Je sais qu'il avait été déjà président du club de Dolbeau. Avait déjà un peu travaillé dans le milieu. Donc, c'était une belle opportunité pour nous de recruter M. Gineau. OK. Est-ce qu'il y avait beaucoup de candidats? Dans un deuxième temps, Yannick Baillargeon mentionne que qu'il y avait quand même de bons candidats pour occuper le poste de directeur général au club de golf de Saint-Prime. Oui, on a eu 4 candidatures. En fin de compte, dans notre processus de sélection, on a eu 4 candidatures au total. D'excellents candidats. Je dirais que la sélection n'a quand même pas été facile. Mais non, on était content. On était content de voir les candidats qu'on avait. Là. Et je termine avec la conférence de Pierre Vacheval va donner devant la Chambre de commerce de Roberval. Donc, ça aura lieu à l'hôtel Château Roberval le jeudi 4 avril prochain. Faites vite, hein, les places sont limitées. Il en coûte 30$ pour participer à cette conférence. Pour réservation et inscription, contactez le 275-3504, 275-3504. Je vous invite avec la section entrevue de danadiosport.com. Il y a plusieurs intervenants. Lou Chambouté nous parle de sa carrière et on sait qu'il a annoncé sa retraite mercredi. Bernard Barré vient nous parler de boxe. Il y a un gros combat de boxe en fin de semaine opposant Marie-Ève Dicker. Également, vous pouvez écouter Simon Gaudreau des Aigles de Roberval. Sport local et régional à danadiosport.com. On s'en occupe.